feuilletés aux pointes d'asperges et écrevisses, 4 personnes, 20 pièces d'asperges vertes, 20 pièces d'écrevisses vivantes, 5 centilitres d'huile d'olive, 2 gousses d'ail, 15 centilitres de cognac, 4 feuilletés ronds de 10 cm. Châtrer les écrevisses, séparer les têtes des queues. Faire sauter les queues à l'huile et faire rôtir 3 minutes. Les retirer du feu, ajouter l'ail en chemise, déglacer au cognac, recouvrir. Laisser infuser 5 minutes, décortiquer, assaisonner. Éplucher les asperges 2 fois, confectionner des bottes de 5 pièces, les pocher à l'eau bouillante salée 6 minutes. Retirer la ficelle des bottes, bien les égoutter, les rouler dans l'huile d'olive. Faire fondre le beurre, plus queue d'écrevisse, plus jus d'écrevisse réduit. Ouvrir les feuilletés en coupant le dessus, vider légèrement. Disposer dessus 5 asperges plus 5 écrevisses, plus recouvrir avec le jus, le feuilleté avec le couvercle. Servir très chaud. Le jus d'écrevisse est fait avec les têtes concassées comme une bisque sans crème et très réduit. Vin conseillé, Saint-Véran blanc à boire avec modération.